بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 19 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman. Donc Usul al-Iman écrit par le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab avec le Sharh de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه ta'ala. On est toujours dans le premier parmi les usul al-iman, c'est al-iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui on explique le hadith numéro 27 dans le livre. Il dit an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma وما فيهما وما بين القوم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن رواه البخاري. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux jardins qui sont en or, les contenants sont en or dedans. Il y a deux jardins également dans lesquels tout est en argent, les contenants qu'il y a dedans, et tout ce qui est dedans c'est en argent. Et il n'y a pas rien qui empêche les serviteurs de voir leur seigneur, excepté le vêtement de majesté, de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il couvre son visage dans le paradis. Rawahu al-Bukhari. Cheikh al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit al-jannatu kathira, fa hunaka jannatu adn wa jannatu al-firdaus wa jannatu al-na'im wa jinan kathira a'laha al-firdaus. Wa fi al-hadith idha sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatu al-janna wa a'la al-janna وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة والجنان مخلوقة فمنها ما هو مخلوق من ذهب كله بآنيته وما فيه ومنها ما هو مخلوق من فضة آنيته وما فيه والمؤمنون ينزلون في الجنان بحسب أعمالهم. Donc le cheikh il explique que dans le paradis il y a plusieurs jardins. Il y a le jardin d'Éden, il y a le jardin du Firdaus, il y a le jardin des délices, An-Na'im, et il y a beaucoup d'autres jardins. Dans le paradis, il y a plusieurs jardins. Le plus haut de tous les jardins dans le paradis, c'est Al-Firdaus. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus, parce que c'est le plus haut degré du paradis et le meilleur dans le paradis. Et au-dessus du Firdaus, il y a le Arsh, le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de là que jaillit la rivière ou les ruisseaux dans le paradis. Donc tous les ruisseaux et les rivières du paradis viennent à partir de cet endroit. Donc, les différents jardins du paradis, les différents jardins, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et chaque jardin, il a sa particularité. Il y en a parmi les jardins du paradis, tout ce qui est dedans, c'est en or. Il y en a d'autres, tout ce qui est dedans, c'est en argent. Et le cheikh explique que les croyants vont être placés dans le paradis selon les degrés de leur foi et de leurs actions dans ce bas monde. Donc, les croyants ne seront pas tous à des mêmes degrés dans le paradis. Il y aura des croyants plus hauts que d'autres et il y en a qui auront des récompenses plus grandes que d'autres selon leurs actions, selon leur foi. D'accord? Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des différences entre les hommes. Même dans ce bas monde, on ne choisit pas celui qui n'est riche, celui qui n'est pauvre, celui qui n'est blanc, celui qui n'est noir, celui qui n'est يعني, tel pays ou tel pays. C'est Allah qui décide, chacun d'entre nous, où est-ce qu'il est né. Hein? Et par contre, on a tous le choix de qu'est-ce qu'on fait comme action. On a tous le choix dans notre croyance et la foi qu'on a adoptée pendant notre vie dans ce bas monde. Même si on est dans une famille qui est hein, juive ou chrétienne ou athée, hein, ou dans une famille qui a une croyance d'égarement, arrivé à l'âge de raison, l'âge de compréhension, on a tous le devoir et la responsabilité de se poser des questions. Pourquoi on vit? Pourquoi on existe? Pourquoi Allah nous a créés sur terre? C'est quoi le but de notre existence? Et le but de toutes ces questions-là, c'est d'arriver à trouver la vérité et de savoir justement pourquoi Allah nous a mis sur terre et comment on doit faire pour hein, l'adorer. Et l'adorer de la meilleure façon. Et en cherchant ce chemin-là et en demandant à Allah de nous guider, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le droit chemin. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est notre devoir de s'y accrocher et de faire nos efforts pour être les meilleurs qu'on est capable d'être dans l'adoration et dans la foi. Et c'est ainsi que par la suite, les hommes seront dans des degrés hein, différents dans le paradis. Même si quelqu'un dans ce bas monde, il était faible, il était pauvre, il était malade, hein, il était peut-être regardé bas parmi les hommes, comme s'il n'avait aucune valeur. Peut-être que dans le paradis, il fait parmi les gens les plus élevés dans le paradis d'Allah, dans le Firdaus. Tandis que d'autres qui étaient dans ce bas monde respectés et qui avaient beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de choses, les gens le regardaient avec respect et ils l'honoraient et pourtant il sera dans les plus bas niveaux dans l'enfer. Donc, ce n'est pas par rapport à ce qu'on voit dans ce bas monde qui détermine la valeur d'une personne. La vraie valeur d'une personne, c'est par rapport à sa foi, par rapport à ses œuvres. Et c'est ça qui va être déterminé justement au jour de la résurrection. Et c'est ça qui va déterminer aussi sa position dans les paradis. Fafil hadithi, ithbat al-jinan, wa hiya umur al-akhira. ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فنؤمن بوجود الجنة وبوجود النار ونؤمن بما يكون يوم القيامة بجميع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فما صح في الخبر نؤمن به. Donc le cheikh il explique ici que tout ce qui est mentionné dans le hadith hein, l'affirmation de l'existence des paradis et des jardins, hein, de délices et des jardins éternels dans l'au-delà. Des choses qui ont rapport avec l'akhira, le monde après la mort. Ça fait partie de l'invisible. Et de croire en l'invisible, hein, ça fait partie de la distinction entre celui qui est croyant et celui qui est non-croyant. Alladhina yu'minuna bil-ghayb, ceux qui croient au ghayb. Les kuffars, est-ce qu'ils croient au ghaib? Ils ne croient pas au ghaib. Les mu'minoun, ils croient au ghaib. Ils croient même en des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Ils croient en des choses que leurs cinq sens ne peuvent pas prouver. Ni par le toucher, ni par l'odorat, ni par la vue. Hein? Ils ne peuvent pas le prouver. Ces choses-là ne sont pas palpables. Ce ne sont pas des choses matérielles. Ce sont des choses qui font partie du ghaib. Donc on n'est pas des matérialistes, des athées, des gens qui ne croient que à ce qu'ils peuvent prouver par leurs cinq sens. Non, on croit en qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghayb, c'est-à-dire l'invisible. Et personne ne connaît la réalité du ghayb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on affirme du ghayb uniquement ce qui est confirmé par la révélation. C'est-à-dire soit ce qui est dans le Coran ou soit ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis qu'il y a des gens qui croient en des choses qui font partie des choses qui sont invisibles, mais en réalité, qui font partie des superstitions parce qu'elles ne sont pas affirmées par la révélation. C'est des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et ces choses-là ne font pas partie de la foi en Al-Ghaib, même si c'est des choses qu'on peut dire elles n'existent pas en fait. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos des mushrikin, « In hiya illa asma'un, sammaytumuha antum wa aba'ukum, ma anzalallahu biha min sultan. » Hein? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre à leur sujet aucune preuve. « In yattabi'una illa dhann wa ma tahwa l'anfus. » Ils ne suivent que des conjectures, hein, des suppositions et ce que leurs âmes ont comme passion. D'accord? Donc, il faut faire la distinction entre ce qui est affirmé par la révélation et ce qui vient, yani, des chimères et des illusions et des imaginations des hommes qui n'est basé sur aucune preuve venant d'Allah dans sa révélation. Et le croyant, donc, il va croire en tout ce qui est confirmé par la révélation. Ce qui est mentionné à propos du paradis, il y croit. Ce qui est mentionné à propos de l'enfer, il y croit. Ce qui est mentionné à propos du jour de la résurrection, il y croit. Il croit en tout ce qui a été mentionné dans le Coran à propos de l'au-delà. Il croit en tout ce qui a été rapporté par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la révélation aussi. Wa shahidu fil hadith bayanu annahu laysa bayna ahli al-jannati wa bayna an yaraw rabbahum illa an yanzi'a subhanahu al-hijab. فهذا فيه إثبات الرؤية كما سبق وأن المؤمنين يرون ربهم وفيه إثبات الحجاب لله عز وجل وأنه اتخذ الحجاب فإذا شاء سبحانه وأراد إكرام المؤمنين حفهم برأفته وتفضل عليهم ونزعه فرآه المؤمنون. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut établir dans ce hadith là. C'est par rapport à ce qu'on a expliqué également dans le cours précédent, du fait que les croyants vont pouvoir regarder leur Seigneur au jour de la résurrection. On a mentionné le verset la dernière fois dans Sourate Al-Qiyam, hein? « Wujuhu yawma idhin nadhira, hein? Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. » C'est-à-dire qu'il y a les visages ce jour-là seront éclatant, éblouissant. Ila rabbiha nadhira. Ils vont regarder leur Seigneur. Les croyants donc vont voir leur Seigneur. Et au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous allez voir votre Seigneur comme, hein, vous allez, Daoud, donne au frère la clé là. Vous allez voir votre Seigneur comme on voit, hein, le soleil en plein jour quand il n'y a pas de nuages, ou comme on voit la lune quand elle est pleine dans une nuit sans nuages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une grande facilité de voir Allah. Personne ne va devoir se bousculer, hein, ou monter sur les épaules d'un autre pour le voir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir facilement. Et chacun pourra le voir. Hein? Et c'est même le plus grand délice, parmi les délices dont les croyants vont pouvoir jouer dans l'au-delà, dans le paradis, c'est le fait de pouvoir regarder, hein? Et de pouvoir jouer, de se plaisir, de voir le visage de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si dans ce bas monde, imaginez, subhanallah, si dans ce bas monde, un être humain, il ressent un plaisir à regarder des belles choses que Allah a créées, que ce soit des choses dans la nature, hein? Le ciel, les montagnes, les océans, les ruisseaux, les belles choses que Allah a créées. Et même parmi les personnes, il y a des gens qui ont une belle apparence quand tu les regardes, Hein? Tu trouves que c'est une personne qui a une belle apparence, ça te fait plaisir de la regarder. Hein? Et si tu as une femme, ta femme, elle te plaît, tu la regardes, hein? Tu as un plaisir de la regarder. Hein? Alors, si c'est comme ça pour les êtres humains et pour des créatures, falillahi al-mathalul a'la. Hein? Encore plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la beauté elle-même. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Il n'y a rien qui est plus beau que Allah. Et il n'y a pas de plus grand plaisir pour le mu'min de regarder quelque chose que de regarder le visage de son créateur. Et toute personne, hein, toute créature, il veut connaître son créateur. Hein, il veut voir c'est qui son créateur. Hein, ça c'est normal. Même un enfant dans ce bas monde, s'il n'a pas connu son père, il veut le connaître. Il va tout faire pour le chercher, pour le retrouver. Hein? Ça, c'est pour les créatures. Imaginez pour le créateur. L'être humain, il veut voir son créateur. C'est qu'est-ce qu'il a créé? Hein? Parce que c'est un mystère pour lui dans ce bas monde. Donc, il n'y a pas un plus grand plaisir, une plus grande récompense pour le croyant que de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et même qu'un des plus grands châtiments dans l'au-delà, c'est d'être privé de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, « Kalla, hein, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum yawma idhin an rabbihim la mahjubun. » Ce jour-là, au jour de la résurrection, ils seront voilés de voir leur Seigneur. Ils ne pourront pas le voir. Hein? Donc ça veut dire que ils vont être privés de ce délice. Ils vont être privés de cette récompense. Et il n'y aura pas un plus grand châtiment pour eux. Même le châtiment de l'enfer, qui est le plus grand châtiment, hein, qu'Allah a préparé pour les mécréants. Mais même dans ce, parmi tous les châtiments qu'il y a dans l'enfer, il n'y a pas un plus grand châtiment pour eux que d'être privés de voir le visage de leur Seigneur. Donc, c'est ça qu'on essaie d'établir par rapport à ce chapitre ici. Le fait d'affirmer que les gens du paradis vont pouvoir regarder leur Seigneur, ils vont voir leur Seigneur, et que Allah subhanahu wa ta'ala va retirer son voile et va permettre aux croyants, hein, il va leur faire l'honneur de leur permettre de regarder son noble visage. Hein? C'est pour ça que même Allah, il qualifie son visage, il dit, hein, Dhul Jalali wal Ikram, son visage, hein, un visage digne de noblesse. Et de, hein, de noblesse et de majestuosité. Dhul Jalal wal Ikram. Donc, les croyants vont avoir cet honneur-là. Et ça, c'est aussi l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un voile par lequel il se couvre. Et comme on a mentionné déjà le hadith dans les chapitres précédents, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, que s'il retirait le voile qui est sur son visage dans ce bas monde, tout yani, ce que son regard touche, hein, les éclats de son visage et de la lumière de son visage auraient brûlé et détruit tout ce que son regard peut atteindre dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que dans cette vie, l'être humain n'est pas capable de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque Moussa alayhi salam a demandé, hein, de voir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, regarde cette montagne. Si elle reste debout, alors tu me verras. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne, elle est devenue pulvérisée en poussière. Et Moussa alayhi salam est tombé foudroyé. Il a perdu connaissance. Parce que dans ce bas monde, la créature n'est pas capable de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que l'être humain soit créé d'une façon qu'il va être capable de supporter cela. Et que ça ne sera pas un châtiment pour lui. Hein? Donc ça, c'est par sa miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a un voile. Et on doit affirmer ça aussi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il va honorer les croyants et va leur permettre donc aux croyants de le regarder. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik,